La star du FC Bayern, Joshua Kimmich, sous le feu des médias. À juste titre. Il est incontestable que nous sommes témoins d'un fossé qui se creuse à travers notre société. Elle est divisée en deux catégories, les vaccinés et les non-vaccinés. La discussion actuelle, comme toujours poussée par la politique et les médias dominants, tourne autour de la pandémie des non-vaccinés. Résultat, la majorité des vaccinés est en faveur des sanctions à l'égard des non-vaccinés, car ils croient que ceux-ci représentent un danger réel et qu'ils sont responsables de la propagation de la pandémie. Le jeune footballeur professionnel du Bayern de Munich, Joshua Kimmich, 26 ans, avec 64 sélections en équipe nationale, a déclaré qu'il ne s'est pas fait vacciner jusqu'à présent. Suite à cette révélation publique, il s'est trouvé dans le collimateur des médias et le jeune espoir du football allemand a suscité de vifs débats au comptoir des bistrots. Même le gouvernement fédéral allemand s'est senti obligé d'intervenir et de lui demander de se faire vacciner. Suite à ce matraquage médiatique dressé contre Kimmich, pimenté d'accusations exagérées et de reproches concernant sa décision de ne pas se faire vacciner, il y a aussi des joueurs de foot, des habitués du milieu, qui ont pris la parole. L'ex-président du FC Bayern, Uli Hoeneß, a sévèrement critiqué la façon de procéder des médias. Et l'ex-joueur international, Lukas Podolski, a pris parti pour son collègue en disant que chacun peut décider lui-même ce qu'il veut faire et qu'il ne comprend pas pourquoi on veut vilipender Kimmich comme si c'était un criminel. Thomas Eglinski, coach personnel de Joshua, qui a une connaissance approfondie du foot, s'exprime dans une vidéo détaillée en allemand qui mérite d'être vue. Et il explique la position adoptée par Kimmich. Il soutient Joshua, explique son point de vue qui est aussi représentatif d'autres footballeurs. Voici quelques déclarations de sa prise de position. Monsieur Kimmich a toujours accordé une grande importance à la question de la confiance dans un produit lorsqu'il s'agissait de prendre une décision de la plus haute importance, à savoir la santé. Il s'est personnellement penché en détail sur le Covid et sur le vaccin recommandé. Monsieur Kimmich voulait savoir dans quelle mesure il pouvait faire confiance à l'industrie pharmaceutique. C'est par ce biais qu'il a appris que, par exemple, Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson avaient reçu à plusieurs reprises par le passé des amendes de plusieurs milliards de dollars à cause de la falsification d'études. Il a également été effrayé par le fait que BioNTech n'avait pas encore pu présenter un seul produit autorisé au moment de la fabrication du vaccin contre le coronavirus et que ce vaccin à ARNm n'avait pu être développé que grâce à un don de 50 millions de dollars de la fondation Bill et Melinda Gates. Il a également appris que les vaccins n'ont pas d'effet protecteur à long terme et que l'industrie pharmaceutique ne prend pas en charge les dommages causés par les vaccins. En outre, des doutes légitimes existent dans le monde entier quant à la détection d'infection par le test PCR. Monsieur Kimmich a également mis en lumière les décideurs de la politique Covid. Il a commencé à douter de leurs compétences professionnelles, à commencer par le ministre de la Santé, Jens Spahn, qui est banquier et a en outre travaillé jusqu'à présent pour le lobby pharmaceutique. Il a également appris par l'intermédiaire de la Charité de Berlin que Christian Drosten avait fait de fausses déclarations sur les risques de la grippe porcine. L'Institut Robert Koch, avec Lothar Wieler, vétérinaire de profession, ne fait pas mieux. Car cet institut a fait des déclarations erronées, par exemple sur l'occupation des lits de soins intensifs. Les doutes de M. Kimmich quant à l'efficacité de la vaccination ont également été confirmés par les nouvelles concernant l'équipe de football de Fürth. 12 joueurs avaient été testés positifs au Covid, alors que 10 d'entre eux étaient déjà doublement vaccinés. Il est tout à fait logique que M. Kimmich ait offert aux médias une surface d'attaque avec son opinion critique sur la vaccination Covid. En effet, l'agitation autour du footballeur, qui a d'ailleurs été déclenchée par les médias eux-mêmes, suscite des discussions au sein de la population qui peuvent également inciter les fans de M. Kimmich à adopter un comportement critique vis-à-vis de la politique de Covid. Le fait que depuis quelques mois de nombreux sportifs s'effondrent soudainement et de manière inattendue, voire meurent, montre que les doutes de M. Kimmich concernant la vaccination sont tout à fait fondés. Des problèmes cardiaques en sont souvent la cause. C'est un des effets secondaires connus et potentiellement mortels des injections de thérapie génique. Même la FDA, aux États-Unis a officiellement mis en garde le 25 juin 2021 contre les inflammations du muscle cardiaque, myocardite et péricardite, après des vaccinations par ARNm. N'est-ce pas justement l'accumulation de ce genre d'incidents qui devrait attirer l'attention illimitée des médias au lieu de pointer du doigt les prétendues fautes de Joshua Kimmich? Car à présent, il y a eu plusieurs cas de sportifs dont les problèmes de santé ou le décès sont peut-être liés à la vaccination. CLA TV a rassemblé une sélection d'articles de presse. Pedro Obiang, 29 ans, footballeur professionnel italien, contracte une myocardite après avoir été vacciné contre le Covid. Kjeld Nuis, 31 ans, champion olympique néerlandais de patinage de vitesse, tombe gravement malade après avoir été vacciné contre le Covid. Brandon Goodwin, 26 ans, basketteur professionnel américain, carrière arrêtée suite à des caillots de sang provoqués par le vaccin anti-Covid. Greg Loysen, 22 ans, cycliste professionnel belge, a subi une lésion du muscle cardiaque après une deuxième vaccination avec Pfizer et a mis fin à sa carrière cycliste. Jacek Kramek, 32 ans, entraîneur de bodybuilding polonais vedette, double vacciné, décède après un AVC. Roy Butler, 23 ans, star irlandaise du football, décède d'une grave hémorragie cérébrale 3 jours après avoir été vacciné avec le vaccin Covid Johnson & Johnson. Andrea Astolfi, 45 ans, directeur sportif italien, vacciné 2 fois, décède d'une crise cardiaque après l'entraînement. Jack Kaczmarek, 28 ans, bodybuilder américain, décède 4 jours après une deuxième dose de vaccin Moderna contre le Covid-19. Les circonstances tragiques dans lesquelles des sportifs de différentes disciplines ont dû être réanimés durant la pratique de leur sport, par exemple après un arrêt cardiaque, sont de plus en plus fréquentes, mais ne sont mentionnés que de manière très factuelle par les médias et sans aucune empathie pour les personnes concernées. Ce sont tout de même des sportifs qui disputent des jeux, des compétitions, des championnats, etc., et qui jouissent d'une grande estime auprès de la population. Il n'est donc pas étonnant que le comportement de Kimmich gêne passablement l'agenda politique du Covid et ses objectifs et qu'il soit une épine dans le pied de la plupart des médias renommés qui ne se consacrent plus qu'à leur rôle de larbin hautement financé pour imposer des objectifs purement politiques. Car la révélation de problèmes de santé massifs liés à la vaccination alimenterait le scepticisme à l'égard des vaccins au sein de la population en général et pourrait gêner la formation du fossé entre les vaccinés et les non-vaccinés, ce qui n'est manifestement pas souhaité. Les médias sont ainsi en grande partie responsables de la division massive de notre société. Pour conclure, on peut dire, il peut être salvateur de ne pas se fier uniquement aux reportages propagandistes des médias, mais comme Joshua Kimmich, de bien s'informer et de vérifier à qui et à quoi on veut faire confiance ou non. Chers téléspectateurs, écoutez à présent un nombre remarquablement élevé d'articles de presse de ces derniers mois qui montrent que de plus en plus de footballeurs et d'autres sportifs dont le statut vaccinal est inconnu ont eu des problèmes de santé graves et inattendus ou sont décédés. Christian Eriksen, 29 ans, footballeur professionnel danois, s'effondre lors d'un match du championnat d'Europe et est réanimé. Jente van Genertan, 25 ans, joueur de football belge, est victime d'un arrêt cardiaque dans la phase initiale d'un match de coupe. Marvin Schumann, joueur amateur de Gifhorn en Allemagne, doit être réanimé après un arrêt cardiaque. Rune Coguet, 18 ans, footballeur belge, a été victime d'une crise cardiaque pendant le match. Diego Ferchaud, 16 ans, footballeur français, a été victime d'un arrêt cardiaque pendant un match de championnat et a été transporté à l'hôpital. Jens De Smet, 27 ans, footballeur amateur belge, s'effondre sur le terrain et meurt peu après à l'hôpital. Dylan Rich, 17 ans, footballeur anglais de talent, décède d'une crise cardiaque au cours d'un match. Frédéric Lartillot, footballeur français, meurt d'un arrêt cardiaque dans les vestiaires après un match amical. Dimitri Linhart, footballeur français du FC Strasbourg, s'effondre lors d'un match de Ligue 1, victime de problèmes cardiaques. Dirk Splisteser, 50 ans, entraîneur du SG Traktor Divitz en Allemagne, est victime d'une crise cardiaque pendant le match de son équipe et meurt. Benny Taft, 33 ans, du SVU Bayern Unterfrieden en Allemagne, fait un arrêt cardiaque lors d'un match à l'extérieur et meurt le lendemain. Antolino Campos, 53 ans, entraîneur de football sicilien, meurt d'une crise cardiaque lors d'un entraînement avec son équipe de jeunes. Alessandro Cabrio, 59 ans, coureur de fond de Biella, meurt d'une crise cardiaque lors d'une course dans le nord de l'Italie. Emil Pálsson, 28 ans, footballeur professionnel islandais, fait un arrêt cardiaque sur le terrain et est réanimé. Christophe Ramasamy, 54 ans, ancien arbitre réunionnais, décède d'une crise cardiaque pendant un match. Boris Sadecki, 24 ans, joueur de hockey sur glace et victime d'une crise cardiaque lors de l'Ice Hockey League à Dornbing en Autriche et décède. Felipe de Jesus Moreira, 18 ans, footballeur brésilien, a été victime d'une crise cardiaque au centre d'entraînement et d'une autre aux urgences de l'hôpital. Ava Azopardi, 14 ans, footballeuse, s'effondre sur le terrain et est plongée dans le coma artificiel. Whitney Abriska, 19 ans, handballeuse néerlandaise, décède après une crise cardiaque. Francis Perron, 25 ans, footballeur canadien, décède après le match. Un joueur de 49 ans du SC Massey en France décède d'une crise cardiaque au cours d'un match de football. Un athlète de 17 ans de Colverde en Italie fait un arrêt cardiaque à l'entraînement et est réanimé. Un footballeur de 17 ans du JSG Hohe Hagen en Allemagne s'effondre sur le terrain et doit être réanimé. Un jeune footballeur de 13 ans du club Janus Nova en Italie s'effondre sur le terrain, victime d'un arrêt cardiaque. Un joueur de football de 19 ans du FC Nantes a été victime d'un arrêt cardiaque pendant l'entraînement et est plongé dans le coma. À la 8e minute de jeu, un joueur de l'ASV Baden s'effondre soudainement sur le terrain et est réanimé. Arrêt du match pour cause d'arrêt cardiaque de l'arbitre lors d'un match de l'Orber SV Kreis Donnewörth en Allemagne.